Et regarde Fred quand tu la racontes, parce que ouais, ça, c'est plus drôle. Voilà. Quelle est la différence entre une poule et un chapon? Un chapeau ou un chapon? Un chapon. Oh là là. Parlez plus fort, Pépé n'entend plus. Quelle est la différence entre une poule et un chapon? La poule, elle a jamais eu de couilles. Non. Voilà. Une poule chapon et un chapon chapou. Chapou. Chapou. Chapou quoi? Chacoua? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que tu la refasses, Maurice. Mais c'est pas vrai. Mais tu cherches les emmerdes. Mais c'est pas possible. Non, t'as raison. T'as compris quelque chose? Mais je la connais, la blague. Tu disais tout à l'heure, on vit trop longtemps sur Terre. André, il faut que ça cesse. Quoi. Bon, allez, adresse-toi à Anne, au moins, en la faisant, parce que... Ouais, voilà. Ouais, alors, voilà. Je suis tout oui. Pose-lui la question. Ne vois-tu rien venir? Alors, pose-lui la question, Maurice, quand même. Ma chère Anne, quelle est la différence entre une poule et un chapon? Alors, dans ces cas-là, il faut lui dire je ne sais pas. Oui, alors, je ne sais pas. Parce que sinon, il attend pendant deux heures. Je ne sais pas du tout. Alors là. Une poule, chapon. Oui. Et un chapon, ça. Chapon pas. Je me casse. Mais j'ai compris. Vraiment. Philippe. Je t'ai compris. Philippe. Non, mais attends, tu veux, Philippe, tu veux que je me casse. Non, parce qu'il a juste. Non, tu veux que je ne revienne plus. Du tout, c'est juste. Il a juste rajouté. Refais-la sans rajouter. Le une ça. Poule, ah, chapeau. Non, non, non. Ah non, Anne. Ah, ma chère Anne. Voilà. Bon, oui, la question, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas de la question. Quelle est la différence entre une poule et un chapon? Fred. Non, c'est Anne. Spéciale dédicace pour Fred, vas-y. Une poule, chapon. Oui. Et un chapon, ça pompe pas. Ah ben c'est bon. T'es pas obligé de vomir en même temps que tu racontes l'histoire, Maurice.